3:35, activation, dictation. Listen and write in the missing words. 1. Ça t'amuse? Oui, c'est amusant. Elle est complètement folle. 2. Ça t'amuse? Oui, c'est amusant. Elle est complètement folle. 2. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire.